Chapitre 11. Suite des machines poétiques. Songe d'Énée, songe d'Athalie. Il ne nous reste plus qu'à parler de deux machines poétiques, les voyages des dieux et les songes. En commençant par les derniers, nous choisirons le songe d'Énée, dans la nuit fatale de Troie. Le héros le raconte lui-même à Didon. Tempus erat, etc. C'était l'heure où, du jour adoucissant les peines, le sommeil, grâce aux dieux, se glisse dans nos veines. Tout à coup, le front pâle et chargé de douleur, Hector, près de mon lit, apparut tout en pleurs. Et tel qu'après son char la victoire inhumaine, noir de poudre et de sang le traîna sur l'arène, je vois ses pieds encore et meurtris et percés des indignes liens qui les ont traversés. Hélas, quand cet état de lui-même il diffère, ce n'est plus cet Hector, ce guerrier tutélaire, qui, des armes d'Achille, orgueilleux ravisseur, dans les murs paternels revenait en vainqueur, ou, courant assiéger les 20 rois de la Grèce, lançait sur leur vaisseau la flamme vengeresse. Combien il est changé, le sang de toutes parts souillait sa barbe épaisse et ses cheveux épars, et son sein étalait à ma vue attendrie tous les coups qu'il reçut autour de sa patrie. Moi-même, il me semblait qu'au plus grand des héros, l'œil de larmes noyé, je parlais en ces mots. « Oh, des enfants d'Ilus, la gloire et l'espérance, quels lieux ont si longtemps prolongé ton absence ? Oh, qu'on t'a souhaité ! Mais pour nous secourir, est-ce ainsi qu'à nos yeux Hector devait s'offrir ? Quand à ses longs travaux, Troie entière succombe, quand presque tous les tiens sont plongés dans la tombe, pourquoi ce sombre aspect, ces traits défigurés, ces blessures sans nombre et ces flancs déchirés ? Hector ne répond point, mais du fond de son âme, tirant un long soupir, fuit les Grecs et la flamme. « Fils de Vénus, dit-il, le destin t'a vaincu. Fuis, hâte-toi, Priam et Pergame ont vécu. Jusqu'en leur fondement, nos murs vont disparaître. Ce bras nous eût sauvés, si nous avions pu l'être. Cher aîné, ah, du moins, dans ces derniers adieux, Pergame, à ton amour, recommande ses dieux. » Porte au-delà des mers leur image chérie, et fixe-toi près d'eux dans une autre patrie. Il dit, et, dans ses bras, emporte, à mes regards, la puissante Vesta qui gardait nos remparts, et ses bandeaux sacrés, et la flamme immortelle, qui veillait dans son temple et brûlait devant elle. Ce songe est une espèce d'abrégé du génie de Virgile. L'on y trouve dans un cadre étroit tous les genres de beauté qui lui sont propres. Observez d'abord le contraste entre cet effroyable songe et l'heure paisible où les dieux l'envoient à Énée. Personne n'a su marquer les temps et les lieux d'une manière plus touchante que le poète de Mantoue. Ici, c'est un tombeau, là, une aventure attendrissante qui détermine la limite d'un pays. Une ville nouvelle porte une appellation antique. Un ruisseau étranger prend le nom d'un fleuve de la patrie. Quant aux heures, Virgile a presque toujours fait briller la plus douce sur l'événement le plus malheureux. De ce contraste plein de tristesse résulte cette vérité que la nature accomplit ses lois sans être troublée par les faibles révolutions des hommes. De là, nous passons à la peinture de l'ombre d'Hector. Ce fantôme qui regarde Énée en silence, ses larges pleurs, ses pieds enflés, sont les petites circonstances que choisit toujours le grand peintre pour mettre l'objet sous les yeux. Le cri d'Énée, quantum mutatus habilio, est le cri d'un héros qui relève la dignité d'Hector. Squalentem barbam et concreto sanguine crines. Voilà le spectre. Mais Virgile fait soudain un retour à sa manière. Vulnera circum plurima moros accepit patrios. Tout est là-dedans. Éloge d'Hector, souvenir de ses malheurs et de ceux de la patrie pour laquelle il reçut tant de blessures. Ses locutions, ô lux Dardaniae, spes ofidissima teucrum, sont pleines de chaleur. Autant elles remuent le cœur, autant elles rendent déchirantes les paroles qui suivent. Ut te post multa tuorum funera, at spicimus. Hélas, c'est l'histoire de ceux qui ont quitté leur patrie. À leur retour, on peut dire comme aîné à Hector, faut-il vous revoir après les funérailles de vos proches ? Enfin, le silence d'Hector, son soupir, suivi du « fuge eripe flammis », font dresser les cheveux sur la tête. Le dernier trait du tableau mêle la double poésie du songe et de la vision, en emportant dans ses bras la statue de Vesta et le feu sacré. On croit voir le spectre emporter Troie de la terre. Ce songe offre d'ailleurs une beauté prise dans la nature même de la chose. Aîné se réjouit d'abord de voir Hector qu'il croit vivant. Ensuite, il parle des malheurs de Troie, arrivés depuis la mort même du héros. L'état où il le revoit ne peut lui rappeler sa destinée. Il demande au fils de Priam d'où lui viennent ses blessures. Il vous a dit qu'on l'a vu ainsi le jour qu'il fut traîné autour d'Ilion. Telle est l'incohérence des pensées, des sentiments et des images d'un songe. Il nous est singulièrement agréable de trouver parmi les poètes chrétiens quelque chose qui balance et qui peut-être surpasse ce songe. Poésie, religion, intérêt dramatique, tout est égal dans l'une et l'autre peinture. Et Virgile s'est encore une fois reproduit dans Racine. Athalie, sous le portique du temple de Jérusalem, raconte son rêve à Abner et à Matan. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Ma mère Jézabel devant moi s'est montrée, comme au jour de sa mort pompeusement parée. Ses malheurs n'avaient point abattu sa fierté. Même elle avait encore cet éclat emprunté dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage, pour réparer des ans l'irréparable outrage. « Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi. Le cruel Dieu des Juifs l'emporte aussi sur toi. Je te plains de tomber dans ses mains redoutables. Ma fille, en achevant ces mots épouvantables, son ombre vers mon lit apparut se baisser, et moi, je lui tendais les mains pour l'embrasser, mais je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange d'os et de chair meurtries et traînés dans la fange, des lambeaux pleins de sang et des membres affreux que des chiens dévorants se disputaient entre eux. » Il serait malaisé de décider ici entre Virgile et Racine. Les deux songes sont pris également à la source des différentes religions des deux poètes. Virgile est plus triste, Racine plus terrible. Le dernier eût manqué son but et aurait mal connu le génie sombre des dogmes hébreux si, à l'exemple du premier, il eût amené le rêve d'Athalie dans une heure pacifique. Comme il va tenir beaucoup, il promet beaucoup par ce vers. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Dans Racine, il y a concordance, et dans Virgile, contraste d'images. La scène annoncée par l'apparition d'Hector, c'est-à-dire la nuit fatale d'un grand peuple, et la fondation de l'Empire romain, serait plus magnifique que la chute d'une seule reine si Joas, en rallumant le flambeau de David, ne nous montrait dans le lointain le Messie et la révolution de toute la terre. La même perfection se remarque dans les vers des deux poètes. Toutefois, la poésie de Racine nous semble plus belle. Tel Hector paraît au premier moment devant Aîné, tel il se montre à la fin. Mais la pompe, mais l'éclat emprunté de Jézabel, pour réparer des ans l'irréparable outrage, suivi tout à coup, non d'une forme entière, mais de lambeaux affreux, que des chiens dévorants se disputaient entre eux, est une sorte de changement d'état, de péripétie, qui donne au songe de Racine une beauté qui manque à celui de Virgile. Enfin, cette ombre d'une mère qui se baisse vers le lit de sa fille, comme pour s'y cacher, et qui se transforme tout à coup en os et en chair meurtrie, est une de ces beautés vagues, de ces circonstances effrayantes, de la vraie nature du fantôme. Chapitre 12. Suite des machines poétiques. Voyage des dieux homériques, Satan allant à la découverte de la création. Nous touchons à la dernière des machines poétiques, c'est-à-dire au voyage des êtres surnaturels. C'est une des parties du merveilleux dans laquelle Homère s'est montré le plus sublime. Tantôt, il raconte que le char du dieu vole comme la pensée d'un voyageur qui se rappelle, en un instant les lieux qu'il a parcourus. Tantôt il dit, autant qu'un homme assis au rivage des mers voit d'un roc élevé, d'espace dans les airs, autant des immortels et coursiers intrépides en franchissent d'un saut. Quoi qu'il en soit du génie d'Homère et de la majesté de ses dieux, son merveilleux et sa grandeur vont encore s'éclipser devant le merveilleux du christianisme. Satan, arrivé aux portes de l'enfer, que le péché et la mort lui ont ouvertes, se prépare à aller à la découverte de la création. Like a furnace mouth, the Sudian view of all this world at once. Les portes de l'enfer s'ouvrent. Vomissant, comme la bouche d'une fournaise, des flocons de fumée et des flammes rouges. Soudain, au regard de Satan, se dévoilent les secrets de l'antique abîme. Océan sombre et sans bornes, où les temps, les dimensions et les lieux viennent se perdre, où l'ancienne nuit et le chaos, aïeux de la nature, maintiennent une éternelle anarchie au milieu d'une éternelle guerre et règnent par la confusion, Satan, arrêté sur le seuil de l'enfer, regarde dans le vaste gouffre, berceau et peut-être tombeau de la nature. Il pèse en lui-même les dangers du voyage. Bientôt, déployant ses ailes et repoussant du pied le seuil fatal, il s'élève dans des tourbillons de fumée. Porté sur ce siège nébuleux, longtemps il monte avec audace, mais la vapeur, graduellement dissipée, l'abandonne au milieu du vide. Surpris, il redouble en vain le mouvement de ses ailes, et comme un poids mort, il tombe. L'instant où je chante verrait encore sa chute. Si l'explosion d'un nuage tumultueux, rempli de soufre et de flammes, ne l'eût élancé à des hauteurs égales aux profondeurs où il était descendu. Jeté sur des terres molles et tremblantes, à travers les éléments, épais ou subtils, il marche, il vole, il nage, il rampe. À l'aide de ses bras, de ses pieds, de ses ailes, il franchit les cirtes, les détroits, les montagnes. Enfin, une universelle rumeur, des voix et des sons confus viennent avec violence assaillir son oreille. Il tourne aussitôt son vol de ce côté, résolu d'aborder l'esprit inconnu de l'abîme qui réside dans ce bruit et d'apprendre de lui le chemin de la lumière. Bientôt, il aperçoit le trône du chaos, dont le sombre pavillon s'étend au loin sur le gouffre immense. La nuit, revêtue d'une robe noire, est assise à ses côtés. Fille aînée des êtres, elle est l'épouse du chaos. Le hasard, le tumulte, la confusion, la discorde aux mille bouches sont les ministres de ces divinités ténébreuses. Satan paraît devant eux sans crainte. « Esprit de l'abîme, leur dit-il, chaos, et vous, antique nuit, je ne viens point pour épier les secrets de vos royaumes. Apprenez-moi le chemin de la lumière, etc. » Le vieux chaos répond en mugissant. « Je te connais, ô étranger, un monde nouveau pend au-dessus de mon empire, du côté où tes légions tombèrent. Vole et hâte-toi d'accomplir tes desseins. Ravage, dépouille, ruine, vous êtes les espérances du chaos. » Il dit, Satan, plein de joie, s'élève avec une nouvelle vigueur. Il perce comme une pyramide de feu l'atmosphère ténébreuse. Enfin, l'influence sacrée de la lumière commence à se faire sentir. Parti des murailles du ciel, un rayon pousse au loin, dans le sein des ombres, une douteuse et tremblante aurore. Ici la nature commence, et le chaos se retire. Guidé par ses mobiles blancheurs, Satan, comme un vaisseau longtemps battu de la tempête, reconnaît le port avec joie, et glisse plus doucement sur les vagues calmées. À mesure qu'il avance vers le jour, l'Empyrée, avec ses tours d'opale et ses portes de vivant saphir, se découvre à sa vue. Enfin, il aperçoit au loin une haute structure, dont les marches magnifiques s'élèvent jusqu'aux remparts du ciel. Perpendiculairement, au pied des degrés mystiques, s'ouvre un passage vers la terre. Satan s'élance sur la dernière marche et, plongeant tout à coup ses regards dans les profondeurs au-dessous de lui, il découvre, avec un immense étonnement, tout l'univers à la fois. Pour tout homme impartial, une religion qui a fourni un tel merveilleux et qui de plus a donné l'idée des amours d'Adam et d'Ève, n'est pas une religion anti-poétique. Qu'est-ce que Junon, allant aux bornes de la terre en Éthiopie, auprès de Satan remontant du fond du chaos jusqu'aux frontières de la nature? Il y a même dans l'original un effet singulier que nous n'avons pu rendre, et qui tient pour ainsi dire au défaut général du morceau. Les longueurs que nous avons retranchées semblent allonger la course du prince des ténèbres et donner au lecteur un sentiment vague de cet infini au travers duquel il a passé.